J'ai travaillé toute la journée. Mon espérance de vie part en fumée. J'ai cette mélodie, je les mal. Entre les eaux et les fleurs. Le temps d'une chanson, je t'en prie, laisse-moi quitter. Malgré la brume, il y a toujours cette lumière qui me guide.